Morgane est une femme de caractère. Engagée dans l'armée de terre, elle est l'une des rares femmes à faire du déminage. Une femme forte. Vers l'âge de 30 ans, elle tombe amoureuse d'Alexandre et sa vie change radicalement. Elle ne perçoit pas le danger, mais au fil des mois, cet homme va dévoiler un visage inquiétant. Il lui fait perdre toute capacité de résistance et l'enchaîne psychologiquement. Saute d'humeur, mensonges, violence morale et physique s'enchaînent. Ce calvaire va durer 3 ans. Des années pendant lesquelles Morgane sombre dans l'isolement et la dépression au point de vouloir en finir avec la vie. Un jour, enfin, lasse des violences, elle comprend qu'elle est sous emprise et amorce un douloureux chemin vers sa liberté. Ce témoignage de Morgane Valette est autant un cri du cœur qu'une mise en garde, une fenêtre ouverte sur la réalité souvent cachée et que trop de femmes vivent en silence. Il disait qu'il m'aimait. C'est le récit d'une survivance à une relation toxique, un témoignage bouleversant. « Il disait qu'il m'aimait » de Morgane Valette est paru chez City Éditions.